الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى ابتلى عباده بدين الحق ليقوموا به ويدعوا إليه ويذوبوا عنه ويجاهدوا فيه، وابتلاهم أيضا بالأديان الباطلة ليرفضوها ويكشفوا باطلها ويحذروا الناس منها ويجاهد دعاتها ولدين الحق دعاته. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كما أن الأديان، يعني للأديان الباطلة أيضا دعاتها. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دونك الله سبحانه وتعالى nous a éprouvé avec la religion de vérité. Donc la religion de vérité afin de suivre, d'appeler, de protéger et de combattre pour cette religion. Il nous a aussi éprouvé avec les autres religions. Il nous a éprouvé afin qu'on puisse les réfuter, montrer les erreurs de celles-ci, et que les du'ats pour, les du'ats combattent pour. Ils combattent pour cette religion et font montrer les erreurs des autres religions. Il a été rapporté, comme cité dans le verset, dans le sens à peu près du verset, Allah nous dit: parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide, yani elle guide les autres, selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Comme il y a aussi ici, mes chers frères, pour les fausses religions, leurs prédicateurs, qui nous a aussi dit par Allah tabaraka wa ta'ala, nous le dit aussi dans le sens à peu près du verset, nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et le jour du jugement, le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Et dans din al-haq ayyuha al-ikhwa sayabqa. Yabqa ila akhir az-zaman. Lan yadhmahil, lan yazul. Lan yataghayyar wa lan yatabayyan. Wa lan yajtami' an-nas kulluhum ala tarkihi. Limadha? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qada bi baqa'ihi aw bi baqa'i ta'ifatin ala al-haq yakununa hujjatan ala ghayrihim. كما ثبت في الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله ودعاة لدينهم ومنهاجهم إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى برفع الإسلام. طبعا حين يسرى على القرآن في ليلة واحدة فتمحى منه الحروف تمحى من السطور وترفع آياته من الصدور، يعني لا يبقى حافظا لكتاب الله ولا مصحفا في هذه الدنيا. أما قبل ذلك، مع وجود القرآن ومع وجود هذه الطائفة، فالإسلام باقي ولو ضل عنه أكثر الناس ولو حاربوه واجتهدوا في محوه وتبديله. يعني notre religion, qui est la religion de vérité bien sûr, elle restera donc jusqu'à la fin des temps. Elle ne disparaîtra pas, ne changera pas. Et les gens ne se regrouperont pas pour délaisser leur religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'un groupe perdurera. Un groupe restera jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décidera que c'est la fin. Comme il a été cité dans le hadith, il restera ou perdurera un groupe qui seront toujours sur la vérité, sur la droiture. Et quoi qu'il arrive, ou quoi que les autres font contre notre religion, ça ne leur rajoute en rien et ça ne diminue en rien leur position. Yani, ce groupe-là, sera toujours sur le haqq et ils seront une preuve contre les autres. Ils appelleront à sa voix, yani à ce manhaj-là, jusqu'à ce qu'Allah décide d'élever l'islam. Et ce jour-là, les lettres du Coran seront effacées et ces versets relevés des poitrines. Il ne restera ni Coran, ni Hafid al-Qur'an, yani quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Mais par contre, avant cela, avec l'existence du Coran, l'islam restera et perdurera. Même si la plupart des gens s'égarent et le combattent en essayant de le falsifier ou de le détruire. Al-Islam baqi, ahabba man ahab wa kariha man kariha. Personne ne peut enlever l'islam. Walaw harabahu jami'a ad-dunya. Hadha mithl hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ibn Abbas lamma dammahu ilayhi qala ya ghulam. Quand il l'a serré sur sa poitrine ou contre sa poitrine, il lui a dit ya ghulam, yani c'est un terme qu'on désigne pour un enfant de bas âge, hein. Dans le hadith à la fin, il te dit walaw ijtama'at ad-dunya. Yani ala an yanfa'uk bi shay' aw an yadhurruk bi shay' la yajtami'u. Ils ne pourront rien faire que si c'est écrit, que si Allah le veut. C'est pareil. Personne, yani, on pourra faire ce que l'on veut, dire ce que l'on dit, essayer de détruire l'islam de part et d'autre, l'islam perdurera tant qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aura décidé. Wa khayru man qama bil islam, yani haqq al qiyam, wa mathalahu ahsana tamthil, wa tabaqahu adaqq al tatbiq, wa fahamahu akthara min ghayrihim hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلما اقترب المسلم من منهج الصحابة رضي الله عنهم كان أكمل في تطبيق الإسلام وأحكم في فهم نصوص الكتاب والسنة وأسلم من الهوى وأبعد من الانحراف وبقدر ابتعاده عن منهج الصحابة وفهمهم يبتعد عن فهم الإسلام وعن مبادئه ولو كان يحفظ الكتاب والسنة. Et ceux qui ont donc mieux accompli l'islam, ceux qui l'ont mieux représenté, mieux exercé, mieux compris, sont bien sûr les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ainsi que ceux qui sont venus après eux, yani les grands tabi'in. Et plus le musulman ou plus le musulman se rapproche de la voie de nos pieux prédécesseurs, yani des sahaba, plus il est proche de la pratique de l'islam, et plus compréhensible des règles du Coran et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est loin de l'égarement, loin des passions, et par contre, plus il s'éloigne de la voie de la compréhension de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire des compagnons, plus il s'éloigne de la compréhension de l'islam, même s'il connaît le Coran par cœur et la sunna par cœur. فالصحابه pour nous aujourd'hui ils sont les lumières وهم افهم الناس ce sont eux qui ont mieux compris لماذا لان كان مربيهم النبي عليه الصلاه والسلام celui qui les a éduqués n'était autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont pris direct du prophète عليه الصلاه والسلام اخذوا من فيه جلسوا عنده كانوا بحضرته في المسجد كانوا يستمعون إليه يسمعون له ويطبقون كل ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام il faisait tout ce qu'il disait et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait il le faisait qu'ils comprennent le sens ou qu'ils ne le comprennent pas مع أنهم عرب أقحاح c'était les purs arabes ils comprenaient le sens des versets coraniques mieux que nous le comprenons nous aujourd'hui. Pour eux, c'était clair. فَسَبَبُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا ذَكَرْتُ وَأَكْثَرُهُمْ فَهْمًا لَهَا فَقَدْ أَتَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْهَامًا حَادَّةً وَعُقُولًا نَظِيفَةً يعني هذه العقول لم تتلوث بثقافات أخرى فهم أعلم الناس باللسان الذي نطق به الدين يعني هم أقحاح العرب وشرفهم أو شرفتهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف. C'est une noblesse d'avoir côtoyé le prophète عليه الصلاة والسلام. فزكت قلوبهم وهذبت أخلاقهم وسلوكهم. حضروا التنزيل فهموا معناه عرفوا أسبابه عرفوا أيضا المناسبات أدركوا مراد الشارع أدركوا مراد الشارع منه يعني من القرآن والسنة. فلا يعقل أن يختار الله تبارك وتعالى حملة لدينه وصحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل هذه الأمة إلا أفضل هذه الأمة في كل شيء. فالرد إليهم يعني في فهم النصوص نصوص القرآن الكريم والسنة أضمن في إدراك المراد وأسلم من الانحراف. يعني pour cause donc c'est que les compagnons ils sont plus savants, plus compréhensibles des textes coraniques, plus compréhensibles de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il les a dotés d'une compréhension fine, d'un cerveau neutre, pur. Il n'a pas été altéré par d'autres cultures, par d'autres civilisations, comme nous aujourd'hui par exemple. En sachant aussi qu'ils sont les plus savants de la langue arabe, laquelle Allah leur a parlé avec. Et leur accompagnement avec le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a anoblis, les a rendus vertueux. Ils ont assisté à la révélation du Coran. Ils en ont compris les sens et les textes, les causes, les circonstances, et ils ont compris aussi le sens du légiférateur. Donc il est impensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisisse pour accompagner son prophète, alayhi salam, que les meilleurs de cette umma, ce qui est honorable pour eux. Dans tout, donc il est totalement logique qu'on revienne vers eux dans cette compréhension des textes. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai cité précédemment, ils l'ont pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait erreur, quand il y avait matière à erreur, le prophète rectifiait. Par exemple, dans le Coran al-Karim, quand Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du shirk, dans ce verset coranique où Allah il dit « Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulm » yani ceux dont leur foi n'a pas été touchée ou altérée par l'injustice. Les compagnons ont compris une compréhension, cette compréhension qui est dégagée par le verset en lui-même quand il revient, quand il ressort. Quand ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit « Ya Rasulallah, il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas commis d'injustice envers lui-même ou autre. » Ils lui ont dit non. Il leur a répondu non. Ce n'est pas cette compréhension qu'il faut avoir. Ce n'est pas en ce sens-là qu'il faut aller. Mais ce texte-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Allah, quand il parle de l'idolâtrie. Il parle du shirk. L'idolâtrie est une injustice. Taban, d'où il l'a tiré ? Alam tasma'u ila qawlihi tabaraka wa ta'ala. Luqman lama qala libnihi fil ayah. Inna shirka la dhulmun azim. Yani l'idolâtrie est une injustice totale. Une grande injustice. Elle vient de ce sens-là, sinon il comprenait l'arabe. Quand Allah, dans le Coran al-Karim, il dit « Qarya ». Si tu lis au sens littéral, propre, au sens propre du texte, et demande au village. Est-ce qu'on demande à un village ? Non. Mais le sens c'est quoi ? C'est demande ceux qui y habitent, demande aux gens qui y habitent. Quand on dit à une personne, c'est une armoire à glace, par exemple, est-ce que la personne est réellement une armoire à glace ? Non, mais on veut simplement dire qu'il est grand, il est fort, il est ceci. وَهَكَذَا فَهُمْ أَقْحَاحُ الْعَرَبِ يعني يفهمون هذه المعاني وهذه الآيات القرآنية لماذا؟ لأنهم تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. Et par de même, comme je viens de le citer, donc on revient donc vers eux, ce sont aussi les meilleurs hommes, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi ikhtarahum. C'est Allah lui-même qui les a choisis. ولا يعقل أن يختار الله تبارك وتعالى حملة لدينه إلا الأخيار. Il ne choisira que les meilleurs, que ceux qui seront auprès du prophète عليه الصلاة والسلام et sont prêts à tout donner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup d'entre eux l'ont fait. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, il l'a fait. Abu Bakr ibn al-Siddiq, radiyallahu anhu, il l'a fait. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il l'a fait. Uthman ibn Affan, il l'a fait. C'est chaque homme que je viens de citer, ils ont à eux-mêmes une histoire. Abu Bakr, lui, tout seul, le prophète, il avait besoin d'argent pour constituer son armée, ceci, cela, pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Il lui dit, ramène-moi la moitié de tes biens, laisse l'autre moitié. Omar ibn Khattab, il a pris la phrase à la lettre. Il a ramené la moitié, il a laissé l'autre moitié. Il a dit, j'ai vu Abu Bakr traîner derrière lui ce qui paraissait tout ce qu'il avait. Et fi'lan, il a ramené tout ce qu'il avait. La question qui a été posée à Omar, qu'as-tu laissé à Allah? Et à son, qu'as-tu laissé, pardon, à ta famille? Il leur a dit, je leur ai laissé la moitié. La même question a été posée à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qu'as-tu laissé à ta famille? Il leur a dit, je leur ai laissé Allah et son prophète. Ils ont donné. Fi Ghazwati Hunayn, à un moment donné, quand les rangs quand la bataille a été l'ennemi a gagné du terrain, le prophète a reformé les rangs. Les premiers hommes qu'il a appelés, c'est qui? C'est les premiers compagnons, les premiers muhadir, al-ansar. Il leur a dit, formez bien les rangs, parce que une partie de ceux qui étaient venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des nouveaux convertis. La foi n'est pas pareille, qui sont bien sûr, après, sont devenus les meilleurs des hommes. طبعاً بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خلفهم التابعون ثم أتباعهم يعني أتباع التابعون فأخذوا من علم الصحابة أخذوا من علمهم ما أخذوا وفاتهم منه ما فاتهم أيضاً كان خير هذه الأمة وأعلمها بدين الإسلام أهل القرون الثلاثة الأولى وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي يلوني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث رواه الشيخان. Donc les tabi'in ont ensuite succédé aux compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. كبار التابعين, les grands tabi'in, وبعد كبار التابعين صغارهم, ceux qui sont venus après, et ils ont pris la science de qui? De ses compagnons, qui eux l'avaient pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous donner un exemple, Saïd ibn al-Musayyib, le savant de Médine, qui était marié à la fille d'Abu Huraira radiallahu anhu. Il a pris sa science de Abu Huraira. Abu Huraira, ذَلِكَ الصَّحَابِ الَّذِي جَلَسَ عِنْدَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam طِيلَةَ حَيَاتِهِ. Toute sa vie, il reste auprès du prophète. Un jour, il est sorti de la mosquée. Il est parti au souk. Il leur a dit, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes au souk alors que l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la mosquée en train de distribuer. On est en train de le distribuer dans la mosquée. Les gens, ils ont pensé que c'était de l'argent, que le prophète, il avait laissé quelque chose. Ils sont venus en courant dans la mosquée. Ils ont vu, il n'y a rien. Ils ont dit, ya Abu Huraira, il leur a dit, la science, mirath al-Nabi, c'est l'ilm. Al-ulama, warathatu al-anbiya, wa inna al-anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, bal warrathu al-ilm, faman akhadahu akhadahu bihadhin wafir. C'est la science, ce n'est pas les biens matériels ou matériaux. Donc les tabi'in, ils ont succédé de cette science qu'ils ont pris des grands. Et ceux d'après eux, donc ils ont pris la science des compagnons, ce qu'ils ont pu prendre. Ils étaient donc la meilleure des communautés, la plus savante des trois premiers siècles. Celle à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui les suivent, et ceux encore qui suivent ces derniers. Le hadith nous a été rapporté par le Bukhari. إذن هذه الخيرية تشمل خيرية الفضل والعلم والعمل وذلك أن الخيرية هنا خيرية مطلقة ولأن من أسباب خيرية فضل التقدم في العلم والعمل والصحابة هم أفاضل هذه الأمة وهم أكثرها علما وأحسنها عملا ثم التابعون فأتباعهم وبعد القرون الثلاثة يعني الأول تفاقمت الفتن وانتشرت البدع وكثرت أهل الأهواء وطالت يعني أيادي التحريف يعني كثيرا ما حصل التحريف في معاني الكتاب والسنة واشتد الأمر وعظم البلاء خاصة بفتنة خلق القرآن التي تبناها المعتزلة فوضعوا السيوف على الرقاب لفرضها وألهبوا الظهور بالصياد لمن يرفضها Donc après donc ces trois siècles, qui est les meilleurs des siècles, le meilleur des siècles par rapport à la science, par rapport à l'action, donc ce sont les meilleurs des trois siècles dans la totalité. Pourquoi sont les meilleurs ? Parce que à cette époque-là, il y avait bien sûr donc les compagnons, il y avait déjà le prophète alayhi salatu wa salam, ensuite donc la science du prophète sallallahu alayhi wa salam. Ensuite, sa science, elle a été héritée par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'ont transmis aux grands tabi'in, qui l'ont transmis aux petits tabi'in, en sachant, comme je viens de le citer, que ses compagnons sont les meilleurs de cette communauté, yani aksaruha ilman, les plus savants, wa ahsanuha amalan, les meilleurs dans leur face, dans leurs actions, hein, vis-à-vis de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui viennent après. Après ces trois siècles-là, le trouble est apparu, La fitna a commencé, l'innovation s'est introduite, le sens des textes du Coran et de la Sunna ont été falsifiés par des innovateurs, et l'une des plus grandes fitna qui est apparue est la fitna de Khalq al-Qur'an. Yani la parole, à l'époque, yani, elle a été créée par les Mu'tazilites, ces gens qui ont finalement mis sur la tête ou sur le cou de tous ces grands savants, l'épée de Damoclès, hein. Soit, vous dites comme on dit, c'est-à-dire que vous dites que le Coran, il est makhlouq. Donc, il faut que vous ayez cette croyance-là, soit on vous coupe la tête. يعني كانت فتنة عظيمة. فتنة عظيمة جدا جدا جدا. ابتلي فيها الكثير من العلماء. Beaucoup de savants ont été éprouvés. Beaucoup sont tombés par peur de mourir. والبعض ثبتا. Et d'autres ont tenu. N'ont pas lâché le morceau. Et, يعني, العجيب, يعني, أن اليوم ترى أن, يعني, الليبراليزم, يعني, يمثلون حرية المعتزلة. Ils ont la même pensée que les معتزلites. في انحرافهم, يعني, فرضوا, يعني, أو أفرضوا انحرافهم العقدي على الناس. أفرضوهم أيضا في زمانهم بالسيف, أو بالسجن, حتى بالقتل. وهؤلاء الدعاة ليسوا بعيدين عن هؤلاء المعتزلة فهم مثلهم إذا هاب أكثر العلماء هذا أكثر العلماء الوقوف في وجه خلفاء بني العباس الذين جاءوا بهذه الفتنة وفرضوا المحنة فانبر لهذه المهمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني بقي هذا الإنسان هذا الرجل هذا العالم الرباني صلبا يتحمل كل أذى في سبيلها تحمل الضرب تحمل السجن تحمل الإهانة التخويف عرض على السيف عدة مرات يعني أكثر من مرة حتى انتصر الحق على الباطل بهذا الإمام فاستحق لقب إمام أهل السنة لأنه حافظ على فهم الصحابة للنص ودحض التحريف أهل البدع يعني دحض تحريفهم له بما تعلموا من طرق يعني طرق الكلامية وهذه الأصول الفلسفية حتى قال علي بن المديني أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة Donc, comme je viens de vous citer, c'est que le plus étrange, on retrouve dans cette aqida, cette voie, la même que le libéralisme qui aujourd'hui en représente, comme je l'ai cité, les mu'tazilites de l'époque, dans la déviance et qui obligeait les gens à les suivre en les menaçant, soit de prison, soit d'autres. La plupart des savants, comme je viens de le dire, ils se sont élevés contre les califes, les califes de Banu al-Abbas, qui sont venus avec cette fitna. Tabarak, quand on dit ils se sont levés, ils se sont levés contre la parole, et non pas contre le calife eux-mêmes, mais contre cette parole-là, en leur faisant comprendre que ça n'existait pas, que c'était ce que vous avez ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est ni inscrit dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, ni les sahaba, ni les grands, personne n'a ramené ce que vous avez ramené vous aujourd'hui. Et s'est levé contre eux l'imam Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, ce savant, cet éminent savant érudit, il est resté devant eux patient contre tous les supplices qui lui ont été infligés. Que ce soit le bâton, que ce soit la prison, que ce soit par le biais de la peur et autres, jusqu'à ce que la vérité triomphe du batil. Il a été appelé ensuite l'imam de Ahl Sunna, car il a protégé la compréhension de nos pieux prédécesseurs et des compagnons vis-à-vis du texte, et il a contré cette innovation jusqu'à ce que l'imam Ibn al-Madini dise « Allah tabaraka wa ta'ala a rendu la fierté de cette religion avec Abu Bakr al-Siddiq le jour de l'apostat, où ces fameuses personnes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont quitté l'islam et sont devenus apostats, il les a combattus. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, le jour de l'épreuve, il y a cette fameuse épreuve, qui est l'épreuve de Khalq al-Qur'an. إذا ظل فهم الصحابة للكتاب والسنة متوارثا بين علماء الأمة الذين يعظمون الأثر وينتمون للسلف حتى التصق بهم وصف السلفية ومن خالف طريقتهم في فهم نصوص الكتاب والسنة يعني ممن تأثر بثقافات الأخرى يخطئ في فهم الشريعة بحسب ما يغترف من تلك الثقافات. Donc la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est restée donc l'héritage entre les savants de ceux qui respectent les textes et font partie des salafs, jusqu'à ce que cette définition leur soit attribuée. As-salaf, al-yom nusammi al-insan alladhi yantami ila as-salaf bis-salafi wa yusamma hadha al-manhaj bis-salafiyya ma'anna as-salafiyya al-mahd hiya al-islam. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, quand on lui disait même ma'anna as-salafiyya, il a dit l'islam al-mahd, c'est l'islam pur. C'est l'islam, c'est le vrai islam. Aujourd'hui, on donne un nom pour différencier tout simplement des gens de l'innovation. Donc ceux qui font le contraire du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la compréhension du texte, en étant imprégnés par les autres civilisations, ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont imprégnés. Ils se sont imprégnés, ils ont pris et ils ont essayé d'ajouter ce qu'ils ont pris de ces civilisations en islam. Il y a des règles spécifiques légiférées. Des règles comme par exemple al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. La base dans tout ce qui est acte adoratoire, c'est de ne pas rajouter, on s'arrête. On n'ajoute pas. Et c'est cette fameuse guerre qu'on a avec les autres. Quand tu dis, Akhi, pourquoi tu fais ça? Il te dit, Akhi, pourquoi je ne le fais pas? C'est interdit de lire le Coran à cette heure-ci? C'est interdit de faire tel dhikr à cette heure-ci? Ou à ce moment-là? Ou, il te dira pas, lui, il ne viendra pas avec cette approche-là. Il viendra avec cette approche, avec une approche en te disant, est-ce que la récitation ou la lecture du Coran est interdite? Est-ce que le fait de faire du zikr, c'est interdit? Bien sûr que non. La récitation du Coran ou le fait de faire du zikr, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le moment que tu choisis. C'est la façon que tu fais. Le fait de faire plusieurs groupes et de te mettre toi au milieu du groupe et de dire à chaque groupe, dites cela, dites cela, dites cette façon-là, elle est interdite. Mais le zikr en lui-même, c'est bien. Mais la façon que tu fais, personne ne l'a fait. Le fait de se regrouper tous en levant les mains et commencer à faire des doigts ou des chants, je ne sais quoi, dans les cimetières et autres, le fait de lever les mains, de faire des doigts, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le moment choisi. C'est la façon qui est faite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, fait le maqbara, quand on enterre quelqu'un, il dit quoi à la fin? Donc, demandez l'istighfar, de pardonner à cette personne qui est décédée, qui est enterrée, et qu'Allah Azza wa Jalla le raffermisse. Pourquoi? Parce que les anges descendent et ils le questionnent. Man rabbuk ma dinuk ma ila akhirihi. Taïb. Dans tous les textes qu'on a, on n'a pas un texte qui dit que le prophète l'a fait en groupe. Il n'y a aucun texte qui le dit. Même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a aucune preuve, ni des compagnons, ni de ceux qui sont venus après, qu'ils faisaient des invocations, des doigts jama'i. Il n'y a pas. Quand les gens leur disent faut pas le faire, ils te disent, mais il y a un bien. Quel bien il est si les compagnons ne l'ont pas fait, pourquoi il y a un bien? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, pourquoi il y a un bien? D'où tu le trouves le bien? Le fameux savant que je vous ai cité tout à l'heure, Saïd ibn al-Musayyib, un jour il rentre dans la mosquée. Il trouve une personne prier, ou en train de prier, un moment dans lequel on ne prie pas, on ne fait pas de prière. Elle lui dit, la taf'al, ne le fais pas. Cet homme, il dit à Saïd ibn al-Musayyib, pourquoi c'est interdit? La salat, elle est interdite? Là, as-salah ou le Coran, c'est pas interdit. Et il lui a dit, hal Allah tabaraka wa ta'ala yu'adhibuni ala dhalik, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala me jugera cela, sur cela, ou sur le fait que j'ai prié à tel et tel? Il lui a dit, là, Allah, il va pas te prier sur le fait que tu as prié, tu n'as pas prié. Allah azza wa jal, ça yu'adhibuka li mukhalafati sunnah. Mais le fait que tu as fait le contraire de la sunnah, là, oui, tu seras châtié. Parce que tu l'as pas fait à un moment où on a l'habitude de faire, c'est comme si tu pries le Salat al-Dhuhr à 10-11 heures. C'est pas son temps, l'heure n'est pas encore rentrée. Le fait de prier, oui, c'est bien de prier, mais c'est pas son heure propice. Wa hadha kathir, kathir ma yahsul. Fa al-asl laysa fi at-tariqa wala al-kayf wala al-kayfiyya ولا في الشيء انه بدعه ولا ما هو بدعه لا لكن في كونه في وقته دونك الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في العباده التوقف دونك on peut pas rajouter ce qui n'a pas été dit ou fait par le prophète عليه الصلاه والسلام et sur ça il y a beaucoup. طيب القرن السابع الهجري انتشرت المذاهب الكلاميه واقحمت في الشريعه الاسلاميه وحكمت نصوص الكتاب والسنه. يعني حصل في هذه الأمة انحراف كثير حاد, وهذا الانحراف أيضا حصل عند بعض العلماء يعني في إدراكهم لمراد الشارع الحكيم, فسطوا عن معاني النصوص بالتأويل والتحريف فهم ضلوا, ومع الأسف أضلوا معهم كثير من أعوام المسلمين. فقيد الله تبارك وتعالى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه للذب عن شريعة الربانية والمحافظة على فهم الصحابة يعني لنصوص القرآنية والسنة النبوية, فرد الشبهات المنحرفين يعني الذين أولوا, ونقض يعني أصول الفلسفة من داخلها, وقوض أيضا بناءها وأركانها يعني كشف ضعف هذه الفلسفة وتهافتها, وأنها يعني عقلية ليست يعني مبنية على أساس رسمي, فأصل للعلوم العقلية الصحيحة ببراهين الكتاب والسنة, وقد شهد له بإتقان العلوم الشرعية والعقلية من اطلع أو يعني هؤلاء الناس الذين اطلعوا على كتبه ورسائله حتى أقروا بحذقه وعبقريته المخالفون له, وانكب المستشرقون على دراسة كلامه, واعترف الكثير منهم أن كتبه تمثل الإسلام الصحيح النقي من شوائب الشرك والتأويل والتحريف, وأنه امتداد للمنهج السلف في تعظيم النص والأخذ به. Donc en l'an 17 de l'Hégire, dans les pays musulmans, ils ont été envahis de toutes ces idées philosophiques, ces idées ou ces pensées déviantes qui a valu beaucoup, voire un grand égarement de la part de beaucoup de musulmans, dû aussi à la mauvaise compréhension de certains savants de cette époque, de la Oumma. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, il a sorti à cette époque-là, il a mis sur le chemin de ces savants égarés, Cheikh al-Islam, al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, Allah il a fait en sorte que cet éminent savant a pu et a su protéger la sunna. Il a combattu ilm al-kalam en appliquant la compréhension des salafs, encore une fois, sur les textes. Donc il a appliqué la compréhension des salafs sur les textes, la compréhension de la compréhension de le Coran et de la sunna, encore une fois. Il a su répondre avec preuve, en détruisant de l'intérieur leurs faux arguments. Il les a carrément détruits avec leur propre texte. Leur propre texte qui était faible, qui était bâti sur des fondations ou sur des fausses fondations, qui était erroné et qui n'était là que pour dévier les gens de cette époque-là. Et beaucoup, taba'an, d'entre eux, de leurs savants, les orientalistes, ont témoigné de l'intelligence de cet homme, l'intelligence de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils ont témoigné de sa science en lisant ses ouvrages. Ils se sont penchés sur l'étude de ses livres et ils en ont conclu, et beaucoup d'entre eux ont conclu et ont fini par dire que ces livres représentaient le vrai islam. Ils représentaient le vrai manhaj, le manhaj de la vraie voie du salafi. Et l'islam lavait des fausses interprétations et modifications. Tajidi, si vous lisez certains ouvrages de certains savants de cette époque, même de nos époques, du 18-19e siècle, il y a beaucoup qui ont lu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lu ces fameux ouvrages de Cheikh l'Islam, d'Ibn al-Qayyim, tout ça et tout, et ils en parlent, quand tu les entends parler, ils sont éblouis. Ils disent, ces gens-là, s'ils étaient à notre époque, ils régleraient beaucoup de nos conflits, de nos problèmes. Rien que par leur écrit. Pourquoi? Parce que ils savaient que c'était des paroles véridiques, ils savaient que ces paroles émanaient d'un cœur propre. Yani, ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Ils étaient là pour la religion. Ils étaient là pour que ad-din ya'lu wa la yu'la 'alayh, pour que cette religion soit yani élevée et que rien ne s'élève au-dessus de cette religion. ثم في القرن الحادي عشر كذلك انتشرت الخرافة في كثير من البلاد الإسلامية يعني بلاد المسلمين وعاد الشرك إلى جزيرة العرب من حيث يعني عبادة القبور والأشجار يعني أصبحت تعبد من دون الله عز وجل فقيد الله تبارك وتعالى أيضا من المسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حارب الشرك الشرك والبدعة ودعا الناس إلى التوحيد والسنة بحيث أنه ألف الكتب وأرسل الرسائل وعقد الدروس فرب الناس على التوحيد حتى أعاد للإسلام صفاءه وأعاد للسنة وهجها وهجها وأتى على بنيان الشرك والخرافة فهدمه وكشف شبهات المبتدعة. Donc au XIe siècle, la péninsule arabe, elle a été aussi envahie donc par le shirk, par l'innovation dans l'embellissement des tombeaux, l'adoration aussi de ces tombeaux, la vénération de certains arbres. Donc ils ont été donc adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et min sunnatillahi tabaraka wa ta'ala, c'est que chaque siècle, Allah nous met un savant qui finalement nettoie toutes ces choses qui apparaissent et qui viennent. Donc il a mis sur le chemin des musulmans, yani fi tariq al-muslimin, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh, imam al-sunnah. Pareillement, cet homme, cet imam, ce savant, a aussi combattu de son côté le shirk, il a combattu la bid'a, yani l'innovation, il a appelé les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah, à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit à ce sujet-là des livres, il a enseigné, éduqué les gens sur le tawhid, il a envoyé ses livres dans toute la péninsule, il a aussi, à son époque, rendu, يعني في هذه الجزيرة, la pureté de l'islam, il a rendu aussi la sunna, ou les droits de la sunna, en détruisant les piliers du shirk et leur superstition, et en montrant aussi leur innovation et leur doute. فالشرك مبني على الشك, hein, مبني على الوهم, ليس له أصل أصيل. فكانت دعوة الشيخ رحمة الله عليه مرحلة أيضا من المراحل المهمة في تاريخ هذه الأمة. وبنجاحها ظهرت دعوة إصلاحية أيضا في كثير من البلدان يعني الإسلامية لتعيد الأمة إلى سابق عهدها وتسترجع لها مجدها وتكسر طوق الاستعمار الذي خنقها ومكن لظهور أعدائها عليها. Donc, de par ce fait-là, par sa da'wa, rahimahullah, ça a été un tremplin, ça a été une étape importante dans l'histoire de cette communauté de la Ummah, car yani, dans sa da'wa, il est apparu du renouveau, de réforme. Donc dans tous les pays musulmans, alhamdoulilah, les gens ils ont commencé à comprendre. Il faut comprendre que on a eu le khilaf al-Umawiyya, le khilaf al-Abbasiyya, le khilaf al-Uthmaniyya, et les premières bâtisses de le khilaf al-Uthmaniyya, elles étaient bâties beaucoup il y avait beaucoup de soufisme, beaucoup de shirk. Et le fait aussi qu'on était imprégné, les gens étaient imprégnés d'autres civilisations, d'autres cultures, qu'ils ont essayé ou qu'ils ont carrément mélangé à l'islam, ça a fait cette fameuse shakshuka, hein, qui a détruit beaucoup de bases de l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne comprennent pas. Moi, j'ai vu des gens prendre carrément du sable de Médine, aller le mélanger à leur bâtisse dans leur mosquée en disant qu'il y avait la baraka. Yani, ne passe même pas par sa tête que le sable reste du sable. De la terre et de la terre, ça ne change à rien qu'elle vient de Médine ou qu'elle vient de Mars, c'est du pareil au même. Plein de gens, d'autres qui se collaient aux arbres, qui se frottaient, il a yomina hada hatta ani fi ba'd al-amak, à certains endroits, on retrouve ce genre de d'idolâtrie, de d'innovation, de participation, hatta fi même en Arabie, on a vu certaines personnes faire certaines choses, wal'iyadu billah, et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent pas que la pierre n'est que la pierre, qu'un tissu n'est qu'un tissu. L'endroit est sacré, certes. Fais ce que le prophète alayhi salatu wa salam t'a demandé de faire. N'y ajoute pas, ne rajoute pas. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il a embrassé la pierre noire, il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. La tanfa'i wa la tadurri. Tu ne fais ni mal, ni chaud, ni mal, ni pas mal, ni froid, ni chaud, ni. Il n'y a rien. Il a dit, wallah, si je n'avais pas vu le prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Pourquoi? Parce que lui, en l'embrassant, il s'est rappelé l'époque du shirk, l'époque de l'idolâtrie. Donc, hada Sheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a combattu cela férocement. Il a réécrit les livres. Il a pioché dans la sunna. Il est parti reprendre les livres, les tafassirs, tout ça et autres, et il les a remis aux gens. Lisez. Regardez ce que vous faites. Vous êtes en train de faire ce que les païens de l'époque faisaient. Il n'y a pas de grande différence. C'est pour ça que beaucoup, à cette époque-là, comme jusqu'à aujourd'hui, te disent ne lisez pas ces livres. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahmatullah alayhi, il disait, quand il avait quitté son pays, la Somalie ou l'Éthiopie, il disait, mais ça, les savants chez qui j'avais étudié me disaient, méfie-toi, n'ouvre surtout pas un livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ces livres-là t'ensorcellera ou t'ensorcelleront, voilà, al-muhim, tu seras ensorcelé. Tu seras ensorcelé par la... Et il a dit, subhanallah, fi'lan, quand j'ai ouvert les livres, quand j'ai lu, J'ai vu que ça parlait que de la sunna, que du Coran, que de ceci, que de cela. Arrujou ila al-asr wa kala. Eh ben, mon cœur, Allah, il a mis la mahabba dans mon cœur de ces livres-là. طيب هذه هي السلفية أيها الإخوة هذه هي السلفية التي صارت يعني شغل الشاغل يعني شغل الشاغل الكفار والمنافقين والسياسيين والإعلاميين يعني ينتقدونها يقدحون فيها وهذه السلفية تحملها يعني كل البلاء يعني بلاء العالم السلفية اليوم يسمونها بالوهابية لماذا؟ حتى الناس يهربوا منها ينفروا منها لكنها مع هذا تزداد بفضل الله عز وجل انتشارا تزداد بفضل الله عز وجل رجوعا لبعض الناس تزداد قوة بمحاربتهم لها يعني حتى ولو أن الإنسان يعني أي دولة دخل فيها أو أي أرض ذهب إليها قليل ما لا يجد يعني في تلك البلاد هذه الدعوة المباركة وهذه الدعوة ليست يعني لقوتها أو قوة أتباعها ودعاتها وإنما القوة هي الدعوة في وضوحها وثباتها وكونها أنها تمثل حقيقة الإسلام يعني الإسلام النقي الخالي من يعني من شوائب البدعة والشرك فقوتها من قوة الإسلام وانتشارها من انتشاره وحفظها من حفظه أما ما يسمونه يعني بالوهابية هو السلفية الوهابية هي السلفية يعني حتى ولو يعني أرادوا أن ينتمون هذا الاسم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كان سلفيا وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهي حقيقة الإسلام الذي جاءت به النصوص وفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونقله السلف إلى الخلف حتى وصل إلينا أو إلى يومنا هذا donc voilà ce qu'est la salafia elle est donc devenue le casse-tête des mécréants et des hypocrites ainsi que des politiciens, des journalistes et autres. La salafia qui eux appellent à tort et à travers la wahhabiyya pour que les gens s'en éloignent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu le contraire. Elle s'expand même aux dépens de leur refus. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'islam véridique, elle est l'islam pur, la vraie, celle dépourvue de l'idolâtrie, de l'innovation. Sa force en elle, c'est celle de l'islam. Sa force en elle, c'est le tawhid, sa propagation aussi. Et ce qu'ils appellent eux la wahhabiyya n'est autre que la salafiyya, le groupe d'Ahl Sunnati wal Jama'a, qui est l'islam véritique, celui des compagnons hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi lam ya'ti bi islamin jadid, hinama tasadda li bid'ati al-jahmiyya wal-mu'tazila, lakinnahu hafaza ala l'islam al-qadim. كذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يأتي بإسلام جديد حين هدم المذاهب العقلية الباطلة لكنه أخرج الأمة من ظلمات البدع الكلامية وأعادها إلى أنوار الوحي الربانية donc l'imam Ahmad n'est pas venu رحمة الله عليه avec un nouvel islam quand il se levait contre la bid'a des jahmites ou des mu'tazilites mais il a protégé le vrai islam comme l'a fait après lui Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Idem, il n'est pas venu avec une nouvelle doctrine ou un nouvel islam quand il a détruit leur fausse doctrine à eux, mentale, pervers. Mais il a sorti les gens des ténèbres de la bid'a vers la lumière ou à la lumière de la révélation. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بإسلام جديد حينما قضى على الشرك والخرافة وأزال مظاهر الوثنية وإنما رد الأمة إلى الكتاب والسنة. Donc ainsi que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, pareillement, il n'est pas venu avec un nouvel islam quand il a combattu le shirk et la fausse prêche, mais il a essayé de faire revenir les gens vers le Coran et la sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Donc la yalzam min taqriri dhalik anna man khalafa manhaj as-salafiyya kharaja min al-islam kulliyatan faqad tasilu bihi mukhalafatuhu ila al-kufr wa qad tasilu bihi ila al-bid'ah وقد تكون أقل من ذلك كما أنه لا يكفر كل من خالف شيئا من الإسلام فمخالفة الإسلام قد تكون كفرا وقد تكون معصية دون كفر donc cela aussi ne veut pas dire que celui qui fait le contraire de la voie des salafs de la voie de nos pieux prédécesseurs sort totalement de l'islam selon son degré de mukhalafa, du contraire, il peut atteindre soit le kufr, soit la bid'a, voire simplement le péché. Hein? Yani min c'est le péché. Kadhalik la yakfur, il ne devient pas mécréant, celui qui fait le quelque peu le contraire de l'islam. Yani il est musulman, en grosso modo, il est musulman, mais il a quelques petites erreurs. On va pas dire de lui aussi c'est un kafir parce qu'il a laissé certaines choses. Non. Il faut comprendre que certaines ne le savent pas, certaines ne l'appliquent pas. On est comme on l'a dit précédemment, on est tellement imprégné de la culture des autres, on est tellement imprégné de la civilisation des autres, que beaucoup de gens ne comprennent pas quand tu leur dis que ce que tu fais, c'est soit de l'innovation, soit c'est haram, soit c'est interdit. Ils ne savent pas pourquoi, comment. Je vais vous parler moi de mon domaine. Quand on va dans les cimetières, les carrés musulmans, on voit que les gens bâtissent au-dessus de leurs tombeaux, leurs sépultures, ils font des monuments. Nous, quand on enterre, les gens nous disent, ouais, mais le Hajj, regarde lui là, vous me dites que les monuments ne font pas, au chibre, ma chibre, au kala. Et il a fait lui. Et je lui dis, le problème, il est là. C'est que lui, il l'a fait, c'est interdit ce qu'il a fait. Mais toi, tu veux faire parce que lui, il l'a fait. Yani, al-ishkal, huwa tahakkukina, yani huwa bisababi tahakkukil insan, ma'al-gharb, ma'al-ghayr. Le fait qu'on est mélangé aux autres, on dit, bah tiens, ce qu'il a fait, c'est bien, ben moi aussi, je veux le faire. Si personne ne te dit ce qu'il fait, c'est pas bien, ben il va te dire, il y a pas de problème, puisque la plupart des musulmans, ils le font. Pire que cela, c'est qu'aujourd'hui, ces monuments-là, ils font une genre de mosaïque, comme à l'entrée de la mosquée. Une mosaïque comme ça et tout. Donc ça fait penser à une mosquée. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je sais pas quoi. Yatla yahbatla koutou. En plus, ça vaut les yeux de la tête. Au lieu de mettre ton argent dans cela et akhil karim, ne serait-il pas meilleur de bâtir une mosquée, de l'investir dans un puits pour nos frères qui sont en Afrique ou même au Maghreb, d'aider simplement des pauvres, akhoya. Dans ta famille, hein, on va pas loin. Souvent les gens, quand on parle de sadaqa, ils vont loin, faqir huna, fafriqa, ma'ruf. Non. Khushuf nta fi familtek, yani dans ta famille. T'as des pauvres, aide-le, tu dis c'est au nom de mon père. Yallah, hay. Une sadaqa au nom de mon père. Non seulement tu tisses les liens, il y a un rapprochement, mais en plus, nta ma'jour, et ton père ou ta mère qui sont enterrés, récoltent le fruit de cette bonne action, de cette sadaqa. مفهوم أيها الإخوة كذلك لا يلزم أيضا من تقرير ذلك عصمة علماء السلفية حتى أئمتها الكبار المجددون يعني كالإمام أحمد بن حنبل والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحم الله الجميع فهم أيضا يصيبون ويخطئون وقد ألزموا أتباعهم ما ألزم الصحابة به أتباعهم يعني اعتماد النصوص الكتاب والسنة ورد قول من خالفها كائنا من كان ولذا استدرك أتباع هؤلاء الأئمة يعني الأعلام على أئمتهم في بعض المسائل العلمية وردوا قولهم فيها هذا كله عملا بالمنهج الصحيح لماذا؟ لأنه لا عصمة إلا للنص الصحيح بخلاف أهل الأهواء الذين ارتعوا في كل مذهب وكرهوا من كل مورد فتعصبوا لضلالاتهم وحملوا أتباعهم على الانحراف فكانوا فرقا شتى وفرقا قدادا كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وكما قال وكل حزب بما لديهم فرحون يعني كم cela ne veut pas dire non plus que les savants sont infaillibles, même les plus grands comme l'imam Mohammed ibn Hanbal, comme Ahmed ibn Hanbal, comme l'imam Ibn Taymiyyah, comme l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahumullahu jami'an, ils peuvent commettre des erreurs, ils ont appliqué la même règle sur leurs prédécesseurs que les compagnons du prophète ont appliqué sur les tabi'in, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, et en rejetant les paroles qui ne s'appliquent pas, ni sur le Coran, ni sur la Sunna. Il n'y a pas de mal. Yani, subhanallah, il est devenu facile aujourd'hui de dire, akhta al-imam Ahmad ibn Hanbal, akhta al-sheikh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, akhta al-sheikh al-islam ibn Taymiyyah. C'est facile de dire ça. Et ça ne choque personne. Par contre, quand on dit fulan, akhta min al-da'iya, tel da'i, ou tel alim, tel. Ah, hada ta'nun fi sheikh. Ah là, tu as fait du ta'n sur le sheikh. Tu as fait ceci, tu as dit cela, tu as. Al-kullu yu'khadh wa yurad min qawlih. On prend la parole de tout et on de tout le monde et on la rejette. Sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام lui-même nous a dit كل بني آدم خطا. Ça veut dire quoi كل بني آدم خطا؟ Qui peut me traduire ça? Qu'est-ce que qui peut me dire ça? La traduction. Naam. Tous les fils d'Adam font des erreurs. صح. كل بني آدم بما يشمل من؟ Hein? يشمل من؟ الجميع، العلماء، tout le monde. تفهمون معنى العتاب؟ العتاب. Vous savez ce que c'est العتاب؟ Le mot عتاب. عاتبة. Cheikh Sidati. عاتبة. Réprimandé. Le prophète n'a-t-il pas été réprimandé, alayhi salatu wassalam? Par Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Sur qui? Ou à cause de qui? Abdullah ibn Maktoum. Vous savez ce qu'il disait le prophète après, quand il le voyait? Marhaban biman atabani fihi rabbi. Atabahu ou ma atabahu? Pourquoi? Parce que le prophète, il s'est focalisé sur une partie de Quraysh, les nobles et ceci. Allah, il lui fait comprendre que ces musulmans, ils sont déjà musulmans, mais ils ont besoin de ta lumière dans la science pour comprendre, pour avancer. Les autres, la guidée, elle vient de moi, c'est pas de toi. صح؟ C'est vrai ou pas? Juste après, je vais sortir, vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là! Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas moi qui le dis. C'est les ulama qui le disent, les frères. Allah, il le dit. Cette fameuse expédition dans laquelle il y avait une chaleur excédente, où beaucoup ont failli ne pas aller avec le prophète. Il y en a même trois, takhallafou. C'est quoi comme expédition? Tabouk. Allah, dans le Coran, tu vois, يعني أصحاب العذار إيش قالوا لا تنفروا في الحر فأجابهم الله عز وجل قل نار جهنم أشد حر صح donc Allah تبارك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحاب العذار ceux qui sont venus voir le prophète يا رسول الله ما فهم يا رسول الله mon fils يا الله رسول الله عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء العتاب من فوق سبع سماوات الله il a réprimandé Sidati من فوق سبع سماوات du septième ciel. Et regardez la façon de faire. On voit que nous, l'humain, on est différent. En règle générale, quand quelqu'un il fait une erreur, un problème, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas l'engueuler. Ça, tu fais une erreur. « Ahi, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Non, mais c'est pas comme ça, nanani, nanana. » À la fin, tu dis quoi? « Allah yahdik. » Mais au début, tu l'as... Ça, c'est vrai ou pas? Ça y est. Allah Azza wa Jalla, le Coran, « Lamma ataba al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi... » Il lui a dit, Afallahu anka. Il a commencé par quoi? Par le pardon. Afallahu anka. Après, il lui a dit, Lima avinta lahum. Pourquoi tu les as autorisés? Tu te vois dire ça à toi, ton employé? Allah yahdik, ya akhi. Ah là là là là là! Hein? Nous, c'est le contraire. Le mafour, l'insan, yata'addab. Yata'allam hadha l'adab. Il faut apprendre ce genre de adab. Hein? يعني هذا أدب رباني. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous enseigne. Donc nous, on doit apprendre cette fois. Tout ça pour vous dire qu'on commet des erreurs. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui revient. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se repent, tout simplement. Il n'y a pas de mal. Bien au contraire. Personne n'est infaillible. Allah Azza wa Jal, quand les sahaba, il y a un jour deux compagnons, un compagnon est parti voir, il était dans une assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يعني عن الجنة وعن النار و و و فكان هناك بكاء وحسرة وكذا نعم مع الصحابة pleurait ceci cela l'iman il a augmenté et tout. Il est rentré chez lui. Après cette assise, il rentre chez lui. En rentrant chez lui, la femme, les enfants, on rigole, on plaisante, on joue avec les enfants. Il voit que cette fois, khlas, rah, le bouquet de tout à l'heure, tout est parti. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis un munafiq. Je suis un hypocrite. Donc, je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, voilà, j'ai un problème. Sur le chemin, il rencontre Abu Bakr, radiallahu anhu. Ahlan wa sahlan, kif halak, bikhir, ça va, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Il lui explique le cas, il lui dit, voilà, voilà. Abu Bakr dit, moi aussi, je suis un munafiq. Yallah, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont devant le prophète et lui expose le cas. Le prophète, il leur dit, s'il n'y avait pas, si vous étiez la façon à laquelle vous êtes avec moi au moment où je vous parle de tous ces récits-là et autres, si vous étiez de la même, cette foi et ceci, cela, les anges, ils descendront, ils vous serreront la main. Il a dit, mais Allah Ta'ala, et si vous ne demandez pas l'istighfar, et bien Allah Azza wa Jal viendra avec un autre peuple qui commette des péchés, il demande l'istighfar et Allah il leur pardonnera. Allah Azza wa Jal, il aime quand on le demande. Il aime quand on lui dit, Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, donne-moi. Allah, il aime ça. Et il faut demander. Il faut pas être ingrat ou tu demandes pas, tu dis non. Il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, bien au contraire. As-sahaba, le sel. Le sel, c'est combien? C'est 30 centimes, même pas, ou la 20 centimes. Il le demandait. Tu t'imagines, il fait ce jour, il dit, Allahumma, uridu ani milhan, je veux du sel. Il demandait tout. L'insan, il faut demander, il n'y a pas de mal à cela. Ou l'istighfar, yani, hal hunak shay akthar min al-istighfar? Y a-t-il quelque chose de plus grand que l'istighfar? Bien sûr qu'on commet des erreurs. Là, tu sors, tu vas sortir, là, il y a un dars, mashallah, l'iman, ou kada, nuzul al-malaika, ou l'ajniha, wa ila akhiri. T'akhruj, hein, tu vas sortir, tu vas commettre des péchés. Alaykan tastaghfir, il n'y a pas de mal. L'insan, yastaghfir, yatoub ila Allah Azza wa Jal. Fahaoulaï l'ulama, yani, donc, ces gens-là, ils ne sont pas infaillibles, ils commettent des erreurs, et ils reviennent vers leurs erreurs. Mais c'est comme ça que le savant est. C'est comme ça que nous-mêmes, nous devons être. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, disait, As-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharaq. La sunna, c'est comme le bateau de Noé. Celui qui monte, ben, il sera sauvé. Et celui qui ne monte pas, malheureusement, il coulera. L'imam Ahmad ibn Hanbal, comme on l'a dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal, le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont aussi dit la même chose. Si le hadith est véridique, s'il est vrai, c'est la voie que je suis. Comme l'a'imma alladhina ja'u min qablihim. Comme ceux qui les ont précédés. Ils ont dit tous la même chose. Pourquoi? Parce que pour eux, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà pour eux, le Qur'an, c'était la base. Et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, quoi qu'on fasse, il fallait qu'on l'applique. Il a été rapporté que par l'imam Ibn Abi Dhi'b rahimahullah ta'ala, il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah akhtara Muhammadan minan nas, fahadahum ala yadayh, wa akhtara lahum ma akhtaru lahu ala lisanihi, fa'ala al-khalqi an yattabi'uh ta'i'ina aw dakhirin. La makhraja li muslim min dhalik. Yani qu'on le veuille ou pas, yani Allah azza wa jalla, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a choisi parmi des gens. Il l'a choisi ses compagnons pour lui. Ils les ont par son billet, hein, et par sa cause, il a été la cause de la guider de ces gens. Et il a choisi aussi pour son langage telle et telle chose. Donc qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on suive. Ses paroles, ses dires font partie de sa sunna. Ta'i'ina ou dakhirin, yani qu'on obéisse. Et tu suis normal, yani dakhirin, yani zalil, ou zaloul, yani quelqu'un qui, avec humilité, qu'il le veuille ou pas. Yani laysa hunak makhraj, il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a pas d'autre porte. Et on va s'arrêter là, inshallah. Allah ybarik fikum, wa jazakum allahu khayra, ala husni istima'ikum wa insatikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa.